Podcast des loulous, épisode 8. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Ellie, aujourd'hui c'est toi qui poses des questions. Oui. Qu'est-ce que tu voulais nous demander? Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Lou? Un dessin. Ouais. Avec des paillettes. Moi j'ai entendu quelques histoires ce matin. C'était quoi les histoires ce matin avec les étiquettes? Boucle d'or et les trois ours. Il n'y en avait pas d'autres? Non. Le petit chaperon rouge, et puis les trois petits cochons. Et tu me posais la question à moi aussi, alors peut-être? Oui, oui. Oh, moi, j'ai rien fait, j'ai dormi toute la journée. Bah non. Ellie et papa, nous, on a essayé de dessiner Buck. C'est qui, Buck? C'est un chien. C'est celui qui est dans l'appel de la forêt. Et en fait, il y a le jardinier qui l'emmène à la gare pour le vendre. Et là... quand il est arrivé à la gare, il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a mis dans une cage avec des barreaux en fer. Et quand il arrêtait pas de taper sur la cage, il lui mettait un coup de bâton sur la tête. Oh bah dis donc, papa il a fait que ça alors. Il a peut-être fait un petit peu de télétravail et puis il a peut-être fait un peu l'école à la maison. Ouais. Parce que sinon on va avoir des problèmes avec son patron. Il va s'attirer des histoires. Et toi, t'as fait quoi, ce matin? Bah, j'ai déjeuné. Après, on a fait l'école à la maison, parce qu'on est lundi. Bon, c'était toi qui devais poser les questions. Oui. T'avais quoi d'autre comme question? Est-ce que vos copains, ils vous manquent? Oui. Oui, et pas ma maîtresse. Ah, ça, c'est pas gentil. Sophie, elle te manque pas un peu? Oui. Marie aussi, elle te manque? Oui. Alors moi, mes copains, ouais, oui. Moi. Est-ce que tu trouves pas qu'on est bien aussi un petit peu en famille, du coup? Bah, si, on est bien. Qu'est-ce qui te manque le plus, nous? Qu'est-ce que tu voudrais faire qu'on peut pas faire en ce moment? Un plus gros dessin. Un plus gros dessin? Alors un plus gros dessin, je crois qu'on peut le faire en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut pas faire en ce moment? Aller à Pêcheret, par exemple? Donc dès qu'on va pouvoir sortir, on ira à Pêcheret. Papa, qu'est-ce qui lui manque le plus? D'aller au travail? Bah, t'es toujours au travail, tu télétravailles. Ah ouais. De plus pouvoir voir ses copains comme vous? Ah oui. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui te manque le plus alors? Mon amoureuse, mes copines, mes copains. Et tata Brigitte un peu aussi? Tata Brigitte, elle me manque beaucoup. Et Nanou? Beaucoup aussi. C'est vrai? En plus, elle est pas loin, Nanou. Hein. Elle est super sympa, Nanou, surtout. Bah, si elle écoute, ça va lui faire plaisir. Et alors, si cette situation-là, elle dure un petit peu, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Faire un album de musique, par exemple? Monter un groupe de musique? Écrire un livre? On a dit qu'on ferait un livre avec des images de l'appel de la forêt. Tu veux faire un album illustré, alors? Ouais. Et qui est-ce qui va faire les dessins? Moi. Toi? Lou, tu vas faire des dessins aussi, toi? Tu aimes bien, toi, Buck? Oui. Et une fois qu'on pourra ressortir, on ira voir l'appel de la forêt... au cinéma. Au cinéma. Vous aimez bien le cinéma? Oui. Bah, on n'est jamais allé au cinéma. T'es jamais allé au cinéma? Si. Moi, je voudrais aller voir Sonic au cinéma. Alors, Sonic et l'appel de la forêt, on le met dans la liste? Ouais. Mais il y a la télévision, c'est bien la télévision. Ouais, mais des fois, il y a des dessins animés qui est débile, mais qui est débile. Ouais, la télé, c'est pas toujours bien, en fait. Hein. Et puis, le cinéma, c'est beaucoup plus grandiose que la télévision. Ouais. Et est-ce qu'on a pu aller faire un tour dehors aujourd'hui? On a même goûté dehors. Et pourquoi on a pu? Parce qu'il y avait du soleil. Et le retour du soleil. Ouais, peut-être que jusqu'à la fin des vacances, on va avoir du soleil. La fin des... vacances. C'est pas des vacances, mon petit loup? Bah si, ça va traverser jusqu'aux vacances. Ah, d'accord. C'est comme ça que tu l'entends. Ok. Est-ce que c'est fini pour aujourd'hui? Oui. On recommence demain? Oui. Ce sera l'épisode combien demain, loup? 3. 3? C'est l'épisode combien aujourd'hui? 8. 9. 9. Okay. C'est bon pour aujourd'hui? Oui. On dit au revoir tout le monde? Au revoir tout le monde. Et à... demain. À demain. À demain. À demain.